בתקווה שלי. Pani la fime sans vivre, mette chen nous en bagage, nous pare pour nous voyager, qui nous verse mamay la, dis-moi si yo ka plaire, nous batte pour river jisla, sans kawaii nous peut décider. Les bons moments.